Oui, l'appartement est vide. Si vous voulez visiter, il n'y a aucun problème. Mais c'était feu salon à coucher, salle à coucher, c'était là. En fait, c'était un salon d'aisance. On pouvait dormir là et se sentir bien à l'aise, histoire de se préparer à partir pour la grande aventure, là. Quand la fâcheuse faucheuse, pardon. Oui, j'ai des gaz intestinaux. Mais c'est. Oui. Exactement. C'est la chambre à sucer. Une excellente chambre à sucer, je vous le dis. Tout le monde va vouloir y pénétrer. Et puis, donc, qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus? Oui. La chambre à. C'est ça. Tout est vide, hein? Oui. Tout est vide. Puis, remarquez, le plancher est refait. Donc, tout ça, c'est du neuf. Comme le lundi 9 octobre. Spéciale dédicace à Daniel Marcoux, qui, à chaque semaine, place dans notre ordinateur CKRLien l'émission Errance canadienne. Merci l'artiste. Aujourd'hui, ben oui, c'est maintenant, lundi, depuis quelques minutes à peine, 9 octobre 2017. Monte le volume et hume la différence. C'est parti, mon kiki! Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! C'est la Java bleue, la Java la plus belle, celle qui nous ensorcelle, celle qui va la mort des abysses, c'est la Java bleue, la Java la plus belle. On va la refaire celle-là. Ça, c'est un grand succès. Cet anneau d'or, je ne sais pas si vous la connaissez. On va pratiquer notre. C'est parfait. Préparez-vous à cet anneau d'or. Cet anneau d'or que je voudrais mettre à ton doigt. Cet anneau d'or. Gaétan, ok, j'arrête. Non, non, reste tranquille. Ah, c'est moi qui ai dissipé. Oh, ben, faut bien trouver quelqu'un, hein? Là, on me prépare avant l'émission. Hey, tu sais que c'est la suite du cabaret de la semaine dernière. C'était une émission extraordinaire. On a rencontré Charlène Duval. On veut en savoir davantage. T'es un petit cachotier. Comment ça, tu ne l'as pas présenté avant? Je pouvais pas te la présenter avant. Je l'ai rencontré cette année. Je peux pas présenter avant quelqu'un que j'ai pas rencontré. Faut prendre le temps. Faut mettre carte sur table. Il faut avant tout se rencontrer. Je sais que c'était sublime la semaine dernière. Je sais que ce qui suivra aujourd'hui, vous allez apprécier. Parce que c'est encore du cabaret comme on le faisait dans les années 30. C'est du divertissement, c'est du travestissement, c'est de la musique, de la danse. C'est toute la panoplie artistique du spectacle vivant. C'est malheureusement, depuis quelques années, ce n'est plus ce que c'était. Quoi qu'on on essaye de recréer. C'est pas rien. Recréer, c'est quand même une recherche. On veut aller voir plus loin. Et ce qui me plaît, chez son personnage, bien sûr, mais chez Jean-Philippe Marant, qui a mis au monde Charlène Duval, c'est son intérêt pour les travestis et cet univers-là. Il connaissait Gilda, le Québécois, et aussi Mado Lamotte. Donc, on sent que mon ami a fait une recherche. Il ne s'est pas non plus concentré sur son personnage. Il a voulu voir ce qui se passait ailleurs. Et ça, ça mérite le détour. C'est pour ça que j'ai voulu le rencontrer. Et j'ai pas été déçu une seconde. Et on, dans ce flow-là, dans cette atmosphère-là, il y a des, bien sûr, il y a des Fréhel, hein, c'est l'environnement de Fréhel, c'est de Damia aussi, c'est des gens comme Lucienne Delisle et d'Arletty, hein, l'Arletty, la chanteuse, la comédienne d'Arletty qui dit « Atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai l'air d'avoir une gueule d'atmosphère? » Mais aussi Berthe Sylvia avec une chanson que l'on connaît par cœur et qu'on fredonne, ben, ma grand-mère fredonnait ça et je la connais assez bien, c'est « Les roses blanches ». C'est aujourd'hui dimanche. La connaissez-vous? C'est celle-là, là. C'était un gamin, un gosse de Paris. Pour famille, il n'avait que sa mère. Une pauvre fille aux grands yeux rougis par les chagrins et la misère. Elle aimait les fleurs, les roses surtout. Et le bambin, tous les dimanches, lui apportait de belles roses blanches au lieu d'acheter des joujoux. La câlinant bien tendrement, il disait en les lui donnant. C'est aujourd'hui dimanche, tiens ma jolie maman. Voici des roses blanches, toi qui les aimes tant. Va quand je serai grand, j'achèterai au marchand toutes ces roses blanches pour toi, jolie maman. Au printemps dernier, le destin brutal va frapper la blonde ouvrière. Elle tomba malade et pour l'hôpital, le gamin vit partir sa mère. Un matin d'avril, parmi les promeneurs, n'ayant plus un sou dans sa poche, sur un marché, tout tremblant, le pauvre mioche furtivement vola des fleurs. La marchande l'ayant surpris, en baissant la tête, il lui dit: c'est aujourd'hui dimanche et j'allais voir maman. J'ai pris ces roses blanches, elle les aime tant. Sur son petit lit blanc, là-bas elle m'attend. J'ai pris ces roses blanches pour ma jolie maman. La marchande émue doucement lui dit: emporte-les, je te les donne. Elle l'embrassa et l'enfant partit, tout rayonnant qu'on le pardonne. Puis à l'hôpital, il vint en courant pour offrir les fleurs à sa mère. Mais en le voyant tout bas, une infirmière lui dit: tu n'as plus de maman. Et le gamin s'agenouillant dit devant le petit lit blanc: c'est aujourd'hui dimanche, tiens ma jolie maman. Voici des roses blanches, toi toi qui les aimais tant. Et quand tu t'en iras au grand jardin là-bas, toutes ces roses blanches, tu les emporteras. Hey, si c'est pas beau ça. Mais non, c'est beau, mais c'est comme Guy Béard, hein, vous en demandez. Non, non, merci, merci. Non, c'était merveilleux, mais je sais pas si mon public aime autant ça que moi. Mais c'était une chanson. Mais, ah oh, ouais, je croyais que c'était une comptine, moi. Mais voyons donc. Non, non, mais j'essaie de trouver un chemin pour traverser l'océan de poésie, surtout l'histoire racontée. Chaque chanson à cette époque-là racontait une histoire. Et celle-là était tragique. Du petit garçon qui amenait ses fleurs à sa mère et qui un jour apprit que sa maman avait été fauchée par la pas gentille. La pas gentille, ben la faux, la faux, la faux, pas la faux! La grande, la faux! Non, pas la faux, mais la faucheuse. La fauche! Ah, oh, moi, oh, ben, je connais aussi la faux. La faux. Ah oui? Ah oui, mais c'est pas vrai, la faux. OK. C'est faux, la faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux, là. Hé, ouais, ouais, hey! Il y a comme des personnages, là, qui se désistent. On se désiste pas, on veut trouver le premier champ ou l'arrière-champ, puis on prend le champ, souvent. Avec lui, avec Reynald Gagné, là, son émission Errance Reynaldienne, on prend souvent le champ, mais on l'aime. Je me balade sur l'inconnu, mais là, c'est pas ce chant-là. Il n'y a pas de chant dans mon chant. Quoique, ça fait bizarre, là. Le Champs-Élysées, on la connaît. Oh, Champs-Élysées. Oh, moi, mon chant, c'est « J'ai perdu un chêne au creux de mon champ. » On y va mettre du Gilbert, OK? « J'ai perdu mon chêne. J'ai perdu. Mais c'est bien de faire ça en direct avec le. Non, mais c'est parce que je trouve pas le ton. J'ai perdu mon chêne. Et monsieur, ça va bien? Ah non! J'ai perdu ma femme! Bon! Elle était où? Ben je sais pas, j'ai perdu. J'ai perdu. J'ai perdu la note. Quand tu perds tout, hein? C'est ça! Moi, je veux pas trop vous raconter mon histoire, là, mais hier, on a fêté mon inconscience collective. Donc, on m'a dirigé, malgré moi, dans la première taverne du coin. Qui était pas c'est ça, je trouve ça bizarre, là, parce que c'était pas un coin, c'était dans le milieu. Mais on dit que c'est une façon de dire, là, de la première taverne du coin, ça veut dire la première taverne que l'on trouve. J'ai dit, ah oui! J'ai trouvé! Mais non, c'est pas toi qui as trouvé, c'est nous qui t'avons amené les outils pour que tu puisses comprendre. On t'a proposé des références. Tu n'avais pas de références. Tu pensais que le coin, c'était vraiment le coin. C'est une manière de dire, c'est une métaphore. Mais toi, comme t'es pas fort dans rien, t'es pas fort dans métaphore aussi. Hey, t'es difficile. Je suis pas difficile. T'es dur. Je suis pas dur. Je suis pas difficile ni dur, moi. Je suis mou, flasque et gras. Je suis un gros tas de gars heureux, moi. Au pluriel, en fait, plus je compte ma graisse, plus je me sens nombreux. Donc, je forme un pays. Oh, attends un peu, là, le côté national, le nationaliste arrive. Ben oui, ouais, on n'est pas gros pour rien, là. Moi, je chante pas, comment c'est le type qui chante avec sa ukulélé, là. Tout le monde aime ça, hein? Cette chanson-là, là, il est mort, là, d'obésité morbide, là. Non, j'essaie de l'imiter. Mais je peux pas dire à quelle émission je l'entends souvent parce que c'est pas chez nous. Donc, quand c'est pas chez nous, moi, je le dis pas. Oh, oh! Es-tu sûr que c'est... Là, il est en train de mourir? Mais non, c'est son grand succès. Il juxtapose deux grands de ce monde. OK, attends un peu. Il regarde dans quel... 1m66? Oh non, pas grand comme ça. C'est le succès, là. OK, deux artistes. Ouais, mais il y a des... C'est pas parce que t'es un artiste que t'es grand. Non, ah. Moi, j'aime ça de parler avec des gens intelligents, moi. Ça m'éclaire! On parle tout le temps avec des idiots, mais on parle, on n'amène rien, mais on parle. Parler pour parler. Ça change rien, mais au moins, on discute. On sent pas le méchant. Non, il n'y a pas de méchant à sortir, mais on parle. Au moins, dans le discours, quand t'apprends de l'autre, quand l'autre... Tu peux t'abreuver à ce qu'il te dit. Tu dis, voyons, j'ai passé une belle soirée, puis ça n'a pas été chose perdue. Ça n'a pas été du temps que j'ai laissé s'évaporer. J'ai appris quelque chose. Excuse-moi, c'est Raoul. Oui, j'adore ton émission, mais je crois que tu sais, ton timbre de voix. Oui, un timbre, oui, je vais t'affranchir. T'es impayable. Non, je vous 20$. Il en oublie, il en manque pas une. Non, c'est parce que on t'écoute, là. Mais il me semble que tu montes dans les aigus, puis c'est tannant. Moi, c'est emmerdant. C'est pas chouette. Comment ça, c'est pas chouette? Mais non, moi, j'ai mon système Dolby Surround Digital 3D. Puis là, quand tu montes dans les aigus, moi, là, tu sais, mes trois octaves, là, ça s'en va vers le haut. Quand ça pique en haut, ma voisine n'aime pas ça parce que ça fait trop de bruit. En bas, non plus, parce que mon voisin d'en bas n'aime pas ça. Fait que si tu peux être dans la médiane, tu sais, dans le médium, là, ça serait... Mais moi, je suis pas dans le médium! Tu es comme ça, tu viens de piquer, là. Quand tu piques ma voisine d'en haut, t'entends. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux? Un peu plus bas, mais pas trop. Je suis pas dans la chanson « Par le plus bas », moi, là. « Par le plus bas, car on pourrait bien nous entendre. » Je veux qu'on m'entende, moi. T'es pas nécessaire. Non, c'est pas nécessaire. Comment ça? Tu veux parler puis pas être entendu. Il y en a comme ça, hein? Tu travailles avec des clients. Les clients te demandent quelque chose. Pardon? Pardon? Là, tu fais dire, mais plus tu... T'essayes de t'ouvrir les tympans, mais dans mon cas, la masturbation rend sourd. Je comprends rien. Là, je viens de pardon. Peux-tu me l'écrire? Je vous écris. Pardon? Je vous écris. Ouais, monsieur. Articulez votre bouche, je lirai sur vos lèvres, très cher ami. Là, t'essayes de... Voyons donc, il est même pas capable d'articuler un mot. Il est agent. À jeun. Personne n'est à jeun, sauf au lever, là. Et moi, ça me fait... Déjà, là, de dire les gens sont à jeun. Pas vrai! Ben, là, c'est comme je vous dis, si vous prenez les prises de sang, bon, hein, mais sinon, à 18h, si vous n'êtes pas un travailleur de nuit, vous n'êtes pas à jeun. Vous avez mangé, vous avez bu de l'eau, vous avez fumé des clopes, des cigares, n'importe quoi. Vous avez grignoté quelque chose. Mais là, c'est pas ça que ça veut dire, là. Non. La personne qui dit t'es pas à jeun, c'est pas à jeun de nourriture, t'es pas à jeun. Ça veut dire que t'as consommé de l'alcool. Donc, pour elle, tu n'es pas à jeun. Alors, si t'as pas le décodeur, puis j'entendais une fille qui travaillait avec moi. Puis bon, c'est une dame qui prend beaucoup de médications pour pas avoir de rejet. Bon, elle s'est fait opérer, blablabla. Puis là, elle disait à une cliente, elle dit, moi, là, je bois pas d'alcool, puis je prends pas de drogue. Et elle a dit, je prends pas d'alcool, ça, je la crois, mais je prends pas de drogue. J'ai vu sa bouteille de pilule à un moment donné, elle a oublié sa bouteille de pilule, des vertes, des jaunes, des roses. Elle avait une cinquantaine de pilules, puis ça, elle prend ça en 3 jours. Si tu prends pas de drogue, on s'entend-tu que si tu bois un café, arrête de dire si tu... OK, excusez-moi. Lorsque tu prends un café... C'est de la drogue. Lorsque tu manges un chocolat, c'est de la drogue. Quand tu prends de la médication là, pour l'anti-rejet, pour ne pas rejeter ce qu'on t'a placé dans le corps, c'est de la drogue. Quand tu vas à la pharmacie... Puis j'ai vu à Paris, cette année, ça m'a réjoui, une entreprise où ce n'était pas écrit « drugstore », mais « pharmacie ». Je me suis dit, ah, c'est un Québécois qui a acheté ça. Ça, je suis rentré. Je dis, hey, avez-vous des bouchons? Pardon? Avez-vous des bouchons? Pardon? Je dis, ah, c'est pas une Québécoise. Mademoiselle, oui, avez-vous des obturateurs sonores? Ah, vous voulez des boules-caisses? Oui. Des boules-caisses, quel format? Ben, format de bidou. Est-ce que ça coûte beaucoup de bidou, bidou, pour deux? Parce que moi, j'ai deux oreilles. Je ferai pas la comptine que j'ai faite la semaine dernière, là, parce que vous avez pas de référence. Avez-vous des références? Non, mais je demande point de passeport. Et OK, ben, j'espère des passeports pour acheter des quoi? Des Scooby-Doo? Ah non, non, des en tout cas. Vous en voulez? Ben, j'en veux si je viens vous voir, madame. De un, c'est parce que vous êtes extrêmement jolie et intelligente. Je le savais, je vous ai vu dans la fenêtre en train de ricaner et de rire aussi à grande. Oh, la grande Harry. La grande Harry. Comment ça ne fonctionne pas, regardez? La grande Harry. Je sais que le voisin dit « Hey, monte pas dans les aigus, ma voisine. » Oh, mon Dieu! Je m'excuse infiniment pour sa voisine. Mais là, ce qui serait intéressant, c'est d'entendre une belle chanson. Oh non! J'ai bien peur de ces belles chansons. Non! Mais d'une époque qui n'est pas la mienne, mais c'est pas parce que moi, j'ai pas vécu ça que je veux pas entendre ça. C'est ça l'intérêt, là. Ah, j'étais pas né. Ah, je connais pas moi, Rimbaud, j'étais pas né. Ben non, tu connais Dieu. Ben oui. Puis Dieu, lui, il est-tu plus vieux que Rimbaud? Hey, allô? Tu connais pas Dieu, tu connais Dieu, mais tu connais pas Rimbaud. Dieu, parce que, ben oui, mais Dieu est universel. Ben, monsieur. Bon, on va faire, parce que ça va me composer le nerf, puis ça va me remettre dans le droit chemin. Dis-moi tout bas. Et dis-moi tout bas, chanté par Damia. Croyez-moi, c'est super sympa. Dis-moi tout bas. Des mots qui me grisent, je veux fermer les yeux pour t'écouter. Oui, dans tes bras, là sous ton emprise, je veux oublier la réalité. C'est si bon quand le doute vous ronge, d'entendre même un mensonge. Tout bas, des mots qui me grisent, dis-moi ton bourre de jolis mots d'amour. Que veux-tu, c'est plus fort que moi, il me faut le son de ta voix, tout à tout tendre ou câline. Quand mon cœur est là de souffrir, j'en ai besoin pour m'étourdir. C'est mon soutien, ma morphine. Dis-moi tout bas, des mots qui me grisent. Je veux fermer les yeux pour t'écouter. Oui, dans tes bras, là sous ton emprise, je veux oublier la réalité. C'est si bon quand le doute vous ronge, d'entendre même un mensonge. Dis-moi tout bas, des mots qui me grisent, dis-moi toujours de jolis mots d'amour. d'entendre même un mensonge. Dis-moi tout bas des mots qui me grisent, dis-moi toujours de jolis mots d'amour. Hey, hein? Est-ce qu'on dit souvent... Attendez, madame. Oui, bravo, madame. Elle aime bien ça. Elle dit à un moment donné, elle parle de drogue. Je ne me souviens plus quelle dérivée. Mais aujourd'hui, en 2017, une chanson qui amène un sujet aussi intense, aussi réel et aussi intéressant dans le discours, parce qu'il ne se cachait pas, là. Damia était une femme authentique. Et je ne dis pas qu'aujourd'hui, les chanteurs ne le sont pas, les chanteurs, les chanteuses. Mais dans les paroles, il n'y avait pas de fleuriture, il n'y avait pas de cacheterie. On disait ce qu'il fallait mentionner pour amener cette réalité-là. J'adore les chansons naturalistes. Naturiste, naturaliste. Non, naturiste, ça, c'est... ça, c'est ton autre petit côté cinglé, ça. Comment ça, cinglé? Êtes-vous né habillé, Mme Tremblay? Dites-moi là. Moi, je suis pas né habillé, moi. Surtout qu'à la naissance, j'avais pas une maudite scène. T'es arrivé à poil. À poil, j'avais pas une maudite poil. Sauf sur le caillou. Sur le caillou, là, j'en avais. J'étais un poilu. J'étais le premier poilu de ma famille, de ma génération et aussi de mon temps. On m'a dit Reynald. Si on t'a trouvé le prénom de Reynald, c'est que t'avais un poil totalement irréel. Puis là, je dis, qu'est-ce que Reynald est irréel? Ben, nous savions, mon petit champion. Oh, déjà là, petit champion. Nous savions, mon petit champion, que tu allais percer comme le ballon, et crever à un moment donné. Oh, hey, c'est beau ça! Puis, là, je vous dis quelque chose là-dessus qui m'interpelle parce que je viens de voir un album et qu'il y a deux jours, je voulais... Là, c'est tout à fait hors norme, mais en même temps, ça va bien dans mon émission. Je fredonnais Charlebois hier, et je voulais placer ça dans une de mes émissions, et je me suis dit, ouais, mais là, le cabaret, c'est pas vraiment l'endroit idéal pour cette pièce musicale. Mais là, comme je me sens, comment dire, donc, pas anarchiste, mais je me sens prêt pour écouter cette pièce-là avec vous. Ah, c'est un chanteur, peut-être que certains diront, ah, pas lui encore! Ben, pour moi, pourquoi pas? Puis c'est une pièce musicale que j'adore, puis qu'on n'entend pas tant que ça. Vraiment, dans les créneaux commerciaux, dans les radios commerciales, c'est zéro, on n'entend pas. Donc, CKRL, Errance Reynaldienne, vous propose la pièce d'un chanteur que je trouve assez psychédélique québécois. Puis ça n'a rien à voir avec les cabarets, le cabaret. Mais non, ça n'a rien à voir avec les cabarets. Parce que moi, ça fait 15 minutes que j'attends mon champagne sur un cabaret d'or. Ben oui, mais là, champagne, l'avez-vous commandé? Ben non, j'attendais que vous me le commandiez. Pourquoi moi, je pourrais... Pourquoi moi? Pourquoi vous attendez après moi? Ben, je sais pas, là, la divinité... Non, je suis pas un divin, moi, là. Je suis pas un divin, puis je suis ni du champagne et ni du vin. Divin, oh! Mais là, une tentative de blague... Avant de monter dans un autre univers, voici Fu Manchu. Cela se passait autrefois sur un écran noir et blanc sale, quand je croyais au cinéma les samedis de sa paroissiale. Cela se faisait en série après l'affût d'amour trop longue. C'est Fu Manchu et Chino Tree qui firent que je me ronge les ongles. Y'avait les bons et les méchants, y'avait le ketchup pour le sang, les jeunes barbus des derniers rangs, qui pitchait des chips dans l'écran. Lorsque le héros, attaché par le cou sur la voie ferrée, constate qu'il est abandonné et que le train va arriver. Cela se passa mille fois, cela se passa mille nuits, où je revivais les émois des héros de l'après-midi. Cela se faisait en série, mon père me renvoyait au lit, où je sombrais dans la folie, sous mes couvertures refroidies. Y'avait les ongles de Fu Manchu, y'avait ses yeux gros comme des choux, puis y'avait le train de chou-chou-chou-chou qui me coulait le long du cou. Qui me descendait le long du dos. J'étais devenu le héros, attaché sur la voie ferrée, qui entend le train arriver. Right on. Ça s'en vient tranquillement. Je suis là. Tu t'en vas, Christian. Je suis là. Je suis là. En plein dents jusqu'au dendre. Mais c'est que même en voulant pas une dedans, c'est pareil. Je suis là. Jusqu'aux arts, jusqu'aux dents. Mais c'est qu'il pire à l'eau. Avec le corps au milieu des yeux et des aïeux au bout des cheveux. Ma queue entre mes longs jeux. Mais blablabla, tout biche. Girl, des submarines de flyer comme une gamme de scorer. Mais voilà, oh bébé, oh je suis tout à fait dedans, mais ça s'en vient. Tranquillement, c'est ça, en tirant, en poussant. Je suis là, tu t'as mon petit Jean. Je suis là, tu t'as Marco. Je suis là, à plein dents jusqu'au dendre. Mais c'est que même en voulant pas être dedans, c'est pareil, je suis là. Jusqu'aux arts, jusqu'aux dents. Mais c'est que Picalo, avec un grand plein milieu des yeux, mon beau enfant, ton castor et tout mon corps qui crie maintenant. Me flamme, v'là, tout biché. Girl, drop et submarine de flyer comme une gamme, tout scoré. Me v'là, dents. Oh, bébé, moi j'suis pas tout à fait dedans, mais ça s'en vient. Tranquillement, c'est ça, en montant, tout le temps. C'est que même en voulant pas être dedans, c'est pareil, chute jusqu'aux arts, jusqu'aux dents. On faisait que pire à l'eau, avec un pompe en plein milieu des yeux. Un pompe au travers dans mon joint, mon grand pompe au pompe. Me bla me bla, du piché. Girl, drop et submarine, de flyer comme une garnotte, tout scoré. Me bla, dents. Oh bébé, voilà j'pense que chute dedans. J'm'en viens tranquillement, c'est ça, en montant. Autant par justesse que justice. Et le scénario continuait. Et la chanson et la réglisse qui nous coulaient dans nos mains sales. La morvone et la bouche ouverte. Il n'y avait plus de salle paroissiale. L'univers était en haleine. Herde, chrétien, speak up. Devant la chambre des tortures, les appartements qui ractissent, les bons qui pensent à leurs blessures, dans les antichambres à supplice. Et la belle fille, cheveux au vent, qui s'en va chercher du secours. Pourra-t-elle revenir à temps? Lady Trenton réussira-t-elle à sauver Bill Inquiétude? Afin d'en savoir plus long sur le cours, transportons-nous maintenant à bord du porte-avions Yorktown, où les petits spectateurs de la salle paroissiale Saint-Stanislas, devenus maintenant de brillants Marines américains, attendent avec impatience le retour de Lady Trenton, le sauvetage de Bill Inquiétude et des cosmonautes. Apollo. et des vierges. La voie lactée était légère. Lady Trenton est épuisée. En dessous de mille milles retrouvées. En pleine réalité, son père l'a renvoyé se coucher. Dans mes rêveries. Puis j'étais un peu... Je fantasmais sur le bord des trottoirs. Je me disais, voilà, je suis au bord d'un précipice et la rigole, c'est un fleuve. Je suis au bord de la falaise. Comme ça que j'allais à l'école. Il y a une belle histoire de Gainsbourg qui parle de Fréhel, parce que là, nous allons nous consacrer à notre amie, bien sûr, Charlène Duval. Et voilà la rencontre de Gainsbourg. Là, ça n'a rien à voir. Mais oui. Bon, on a écouté une chanson psychédélique pour nous brancher. C'était exceptionnel parce que hier, lorsque je vous racontais un peu mon milieu de travail, je remplissais... Ben c'est ça, mon histoire c'est ça moi. Je remplissais le frigo à boisson gazeuse. Donc pendant que je plaçais des 2 litres, je me disais ce serait bon d'en réentendre le Fu Manchu de Robert Charlebois. Bon, je me fais des images de même. Je rends mon travail supportable. C'est quand même c'est quelque chose. Et puis là, pendant que j'écoutais Fu Manchu avec vous ce soir, je me suis dit, ce serait bien que Gainsbourg nous raconte ses rêveries, parce que Fu Manchu, c'est aussi le petit gars qui rêve et puis tout ça. Puis, en même temps, je voyais dans ce même document que Gainsbourg parlait de Fréhel. Donc, Fréhel, c'est notre univers, cabaret, tout ça. des chansons des années 30. Et voici Gainsbourg qui nous discourra pendant 2 minutes de Fréhel, qu'il a véritablement rencontré. J'étais au Chaptal et j'avais la croix d'honneur. Donc j'étais un bon élève à l'époque. Ça s'est dégradé par la suite. Croix d'honneur. Donc vareuse bleu marine avec un liseré rouge. Et la croix d'honneur, c'est comme l'officier des arts et lettres. C'est rouge. Un ruban rouge avec une médaille. Et Fréhel, mon père, un jour, me dit par la fenêtre, on habitait au 3e étage, me dit, tu vois, ça, c'est une des plus grandes chanteuses réalistes. C'est la plus grande chanteuse réaliste. Alors, je voyais une espèce de tas aviné, en peignoir, à fleurs, un pékinois sous chaque aisselle, et le gigolo, distance réglementaire, à 15 mètres. Un jour, donc, je reviens avec cette croix d'honneur et Fréhel me voit. Elle me passe sa main dans les cheveux. C'est un bon petit gars. Et tu vas prendre un coup avec moi. Et le bistrot existe toujours. J'avais 8 ans. On s'est assis à la terrasse et j'ai pris, et je me souviens qu'elle a pris un ballon de rouge et moi, elle m'a donné ce qu'on appelait un diabolo grenadine. Là, ce sont des images qui viennent donc d'années lointaines mais qui restent fixées très comme des plaques photographiques. Bon, là, ce que je veux vous dire, c'est que je dois oublier le côté naturaliste que je divulguais depuis, quoi, une semaine, la semaine dernière aussi. C'est réaliste. Une chanteuse réaliste. Donc, c'était un univers, là, les gens qui nous ont interprété des pièces musicales. Ce n'était pas naturaliste, mais réaliste. Merci, Serge. Au moins, Serge, lui, me dirige vers le droit chemin. Toi, Gaétan de Brisebois, qu'est-ce que tu fais pour me diriger vers le chemin? Bon, bien sûr, elle met sa main dans ma main, comme une belle chanson de « Ah oh, non, il va se mettre à chanter, mais non, mais de nana, nana. » On a qui? Mouskouri. Mets ta main dans la main de celui qui tend la sienne. Mets la main dans notre main qui dit bonjour. Il sera ton ami, il restera jusqu'à la fin des jours. Mets la main dans ta main de celui qui veut pire. Pas pire ça. Nana Mouskouri. Mais là, c'est pas le temps de Nana Mouskouri, quoique je l'adore aussi. Ah, ben oui, les lunettes de Nana. As-tu vu, Gaston, les lunettes de Nana? Bon. Là, maintenant, aujourd'hui, nous sommes le 20. Non, ben oui, on est le 20. Ben oui, on est le 6 octobre. Pourquoi tu dis le 20? Ben parce que je voyais le divin Messie qui me relatait un passage de la chanson de Charlebois que nous avons entendu il y a quelques minutes. Et monsieur, le 6 minutes, c'est quoi? Des secondes qui deviennent des minutes? Non, c'est des minutes qui s'auto-chronomètrent. Essayez, madame, mademoiselle, de vous auto-chronométrer. Comment? je vais le redire. Essayez, mademoiselle, de vous auto-chronométrer. Et vous me direz à quelle tension pulsative... Non, pulpapille. Pulsative. Dis-moi pas mon langage, toi. Je connais mon discours. OK? Je le lis sur la mémoire, blanche sur noire. Blanche sournoise, surtout. Sournoise. Alors, aujourd'hui, le vendredi 6 octobre 2017, l'errance. Les errances rénaldiennes présentent plusieurs nous. Plusieurs nous. Ben oui, il y a nous. Il y a nous, mais pas toi. Non, pas toi. Il y a nous, pas toi. Non, mais on retrouve, comme disait quelqu'un, Dieu reconnaîtra les siens. C'est qui? C'est Godard. Godard? Pas Godard. Jean-Luc Godard. Ben, Godon, si c'est Godard, on va le prendre. On recommence. Aujourd'hui, le vendredi 6 octobre 2017, l'errance. Les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises, dans nos entreprises. On a des entreprises, nous, qui perdent souvent la route. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour. Malheureusement, ce tour-là se termine ce soir. Donc, nous pleurons à chaudes larmes. Je n'ai pas invité de pleureuse parce qu'en Égypte, c'est loin, Égypte-Québec, là. Ils m'ont dit que ça coûterait 50 000 $ pour avoir 8 pleureuses, mais des 8 pleureuses professionnelles là-bas, là. Vous savez ce que c'est que des pleureuses en Égypte? C'est des femmes. Je ne sais pas s'il y a des hommes là-dedans, mais en tout cas, c'est des femmes. Ce que je connais de l'histoire, là, comment on a appris à la petite école. Ouais, moi, je suis allé à la petite école. Puis quand je montais à la grande école, là, j'avais plus trop le chemin, mais c'est là que je me suis dit, c'est à cet instant-là que je dois prendre des risques. C'est la grande école. Pas de la vie, là. L'université, c'est la grande école. Donc, surtout en création, c'est à ce moment-là que tu dois proposer tes idées et voir si ça va tenir le coup. Dépendant des professeurs, c'était oui ou c'était non. Tu pouvais voir là, la vieille arrêtée dans son monde traditionnaliste. Donc, tu n'allais pas plus loin que les classiques de la poésie. Puis il y en a qui se balançaient dans la frivolité du monde actuel. Donc, ceux-là, tu étais vraiment libéré et tu pouvais lancer tout ce que tu avais dans le corps. Et surtout dans la plume pour t'offrir un cadeau, celui de dire « Ah, il y a peut-être quelque chose là-dedans. » C'est bien quand on dit qu'il y a peut-être, quelque chose là-dedans. Mais là, ce soir, il y a quelque chose d'assez extraordinaire dans Charlène Duval. C'est une femme sublime, très finement elle est embourgeoisée. Elle a de la plume, elle a de l'essor, elle a de la voix, elle a un style. Mais ça, c'est grâce à Jean-Philippe Marin, qui, lui, a travaillé sur ce personnage que nous vous proposons depuis 2 semaines, et malheureusement, qui se termine ce soir. C'est là la grande tristesse d'errance rénaldienne, c'est qu'il y a des fins à des rencontres aussi exceptionnelles que Jean-Philippe Marin. Et aussi, par la voix de Jean-Philippe, j'ai rencontré Charlène Duval. Fin de cette rencontre, mais aussi musique, cabaret et frivolité. C'est ce soir que tout cela se termine, mais avec la paillette, les plumes. C'est quoi la chanson de Zizi Jeanne-Mère? Faudrait que je trouve la chanson de Mon truc en plume de Zizi Jeanne-Mère. Peut-être qu'on l'entendra ce soir. On verra. Là, j'ai quand même combien de secondes? Ah non! Hey, j'ai à peine 1h10 pour trouver tout ça. On verra! Chéra! Mais maintenant, je vous propose mon amie Charlène Duval. Et puis, bonne soirée. Pour bien séduire en amour, avant tout ce qu'il faut toujours, c'est du doigté la légèreté et beaucoup de volupté. Moi je peux dire qu'avec vous, tout ce que j'ai ressenti, c'est fou. Moi jamais ma foi, un petit homme comme toi anime mon cœur en émoi. En amour, ce n'est pas le tout de vouloir. Tout de vouloir, ce qu'il faut, c'est aussi bien le savoir. Bien le savoir. Ah, quand c'est bien fait. Quand c'est bien fait. Que ça plaît. Oh oui, ça plaît. Je n'oublierai jamais certainement ce délicieux moment. Moi, je veux me griser de mes baisers. Je te quitte plus. Oh, ça lui a plu. Ah, mon chéri, ce qu'on va être heureux tous les deux. T'as raison, quand c'est bien fait, oh oui, c'est fou, ce que ça plaît, j'oublierai jamais certainement, vois-tu, c'est délicieux. Chérie, tu voudras te griser, donc tu voudras de mes baisers. Tu veux me garder, je m'en bats bien, ce qu'on va être heureux tous les deux. Tous tes ordres, tous tes vœux, je ferai tout ce que tu veux. Je ferai connaître des trucs en or, je te ferai des femmes que t'ignores. Tu feras du nouveau tous les jours, tu t'embêteras pas mon amour. Tu me feras conduire ta petite citron, c'est le bonheur que nous aurons. Mon chéri, j'y pense maintenant, il nous faut un appartement, s'il n'est pas grand, ça m'est égal, pourvu qu'on ait le chauffage central. Matin, qu'est-ce que tu prends, mon rat? Café au lait ou chocolat? Si tu prends la même chose que moi, moi je prendrai la même chose que toi. Bah maintenant, qu'est-ce qu'on attend? Restons pas là, allons-nous-en pour bien te connaître. Il faut trop se comprendre, j'ai à t'en dire des tas de choses. Seulement mon chou, c'est un peu long, nous serons bien mieux à la maison. Et je crois qu'il est grand temps, allons, que nous finissions cette chanson. Bien sûr, mais moi je suis toujours... Je vais pas dire bouleversé, mais je suis toujours ému de voir qu'il y a du public qui suit depuis toutes ces années et qui génère d'autres choses. Mais est-ce qu'ils viennent te voir ? Bien sûr, bien sûr. Et je trouve ça formidable qu'ils ne se lassent pas. Et je fais ce qu'il faut pour qu'ils ne se lassent pas. Je crois, c'est toujours une peur en se disant, mon Dieu, on fait un truc nouveau. Il va y avoir 50% de gens qui me connaissent déjà. Ils ont envie d'entendre des choses, mais qu'ils connaissent peut-être. Mais il faut leur présenter aussi du nouveau. Quoi. C'est, il faut encore les étonner si possible. On doit respecter, on existe que si le public existe. Oui. On peut avoir le meilleur producteur, on peut avoir tout l'argent qu'on veut, peut avoir les meilleurs costumes. S'il n'y a pas de public, ça ferme. Mais est-ce que ton public est composé en majorité d'homosexuels, ça n'a rien à voir? En majorité, oui, on est sur du... quand je suis en récital vraiment seul, on est sur du... 60-70%. Et le 30%, est-ce que tu es ouvert à mais bien sûr, bien sûr. Et je me souviens quand on a fait le Mistinguette, justement, il y a un monsieur d'un certain âge qui avait amené sa mère, une très très vieille dame, qui lui avait dit on va voir un spectacle sur le Mistinguette. Et elle l'avait vu sur scène, Mistinguette. Ah oui, la vraie, la vraie. Et le spectacle commence, et je me mets à chanter, etc. Et j'avais un ami qui était là, voisin. Et c'est pour ça qu'il me l'a raconté. Et il m'a dit, la mère se penche vers le fils en lui disant, je ne savais pas que c'était un spectacle comme ça. Mais c'est très bien. Non, oui. Alors, il y avait une ouverture. Mais tu sais, bon, Paris, c'est Paris. Mais quand je vais en province, où là, c'est jamais gagné d'avance parce qu'il y a 0% de public acquis. Mais je ne me suis jamais planté. Ça a toujours très bien marché. À savoir que le public prend ça. Il ne se pose pas la question. Au début, il se dit, tiens, il y a un garçon derrière, fatalement. Mais au bout de 10 minutes, il n'y pense plus. Il est pris dans le truc et c'est le show d'une dame d'un certain âge qui vient raconter des bêtises et chanter d'autres bêtises. Mais avec la droite qui monte de plus en plus, est-ce que c'est plus difficile? Pour l'instant, non. Okay. Pour l'instant, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et justement, moi, alors ça peut être des choses que j'aborde sur scène en petite pique. Oh, oui. Mais c'est définitivement le dernier espace de liberté qui existe. Parce que c'est pas la télévision, tu sais bien. Et la scène reste ce dernier espace de liberté où on peut dire les choses. Alors, moi, je suis un vieux gauchiste. Charlène, c'est une gaulliste convaincue. Okay, ouais. Donc, est-ce que ton personnage, des fois, lorsque tu écris pour elle, est-ce que des conflits entre toi et elle? ou ça n'a rien à voir? Non, parce que c'est vraiment deux choses très très différentes. Et c'est un côté Frankenstein de faire vivre quelque chose qui n'est pas soi. Il y a fatalement un peu de moi. Il y a mon goût pour la couture, mon goût pour cette époque-là, pour l'ancien cinéma hollywoodien. Il y a ça qui a servi de fondation. Il fallait bien un spermatozoïde et un ovule départ. Et la fusion a fait que Charlène est arrivée. Au début, est-ce que c'est toi qui te maquillais Oui. Ça a toujours été moi. Okay. C'était pas abouti comme maintenant. Okay. Et combien de temps ça prend pour devenir le personnage? Départ arrêté jusqu'à la fin, habillé. Il faut compter... Habillé comme ça, disons, jusqu'à à ton personnage. Il faut compter une heure et demie. OK. Et est-ce que c'est déjà préparé, les vêtements sont là, ou tu sais pas où tu regardes là? Je sais toujours ce que je vais porter. Ouh là là. Ça, je suis hyper pénible avec ça. Et tes musiciens, est-ce qu'ils te suivent dans ton délire ou s'ils sont habillés naturellement? Non, ils me suivent. Est-ce qu'ils sont habillés? Non, ils sont toujours en noir, très classique. Tu vois, il faut que ça reste très classique. Parfait. Justement. Okay, c'est elle qui est sautée, c'est pas les autres. Bien sûr. Ok, pour que ça fonctionne, il faut que ce soit juste elle qui arrive un peu. Sauf quand je suis avec Patrick Laviosa, qui est le pianiste avec lequel je travaille vraiment principalement, qui est une espèce de génie un peu cinglé. Comme ton personnage. Qui lui, même s'il est habillé tout à fait dignement, rentre aussi dans les délires parce que c'est quelqu'un qui chante divinement, qui a une voix qui lui permet d'imiter les souris Disney dans Cendrillon, tu vois, ces petites choses suraiguës. Il t'accompagne. Il m'accompagne divinement, on a des duos, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des improvisations entre vous? Ça peut arriver, c'est assez rare, mais ça peut arriver. Okay. Mais s'il y a une catastrophe, effectivement, on sait gérer. Ah oui, ok. On sait gérer, on se connaît par cœur. Oui, puis c'est ça qui est intéressant. Juste un piano, on peut avoir des erreurs. On fait ce qu'on veut. Oh, oui, c'est ça. On fait ce qu'on veut. Mais même, je dois dire, avec un orchestre, si c'est bien rodé, on peut se permettre des choses. On peut tourner, la faute peut... On peut se permettre des choses. Okay. Parce qu'ils sont tellement... Là, on l'a vu sur la revue de janvier... pas sur la première, mais au fur et à mesure que ça se jouait, ils étaient tellement dans le truc qu'on pouvait les arrêter, on pouvait faire ce qu'on voulait, et on pouvait demander en plein milieu de chanson d'arrêter, demander un solo de quelque chose à quelqu'un. C'était rodé, et ils étaient tellement contents de jouer ce répertoire en plus parce qu'ils sont jeunes. Et jouer avec un orchestre de jeunes, c'est formidable. Oui, parce que ça rajeunit le truc. C'est aussi pour montrer que tout ça est... tu sais, après 1968, il y a eu quelque chose en France, une espèce de phénomène. Tout ça était ringard, à mettre aux oubliettes. Alors que c'est une culture, c'est un pan de culture énorme de la culture musicale française et de la culture théâtrale française. Et les Américains savent très bien faire vivre ça. Au Québec aussi. Vous ne reniez pas vos anciens. Ici, c'est... ça n'a pas le droit de citer. Et alors, si tu fais des demandes de subvention, c'est même pas la peine. C'est vieux, c'est pas de la création. Au revoir. Alors que le public est très content. D'abord, alors évidemment, maintenant, il a l'impression de découvrir de la nouveauté. Et ils sont étonnés de se dire que finalement, il y avait même plus de liberté dans ce qui était dit à l'époque que maintenant. Oui, le dialogue était très croustillant en 1910-1915. Bien sûr. Le travail que ça... Parce que lorsque tu montes quelque chose sur scène, c'est beaucoup de travail. Quand les gens vont voir ça, il y a eu une préparation. Oui. C'est quoi? C'est un mois et demi? Ça peut être un mois. Je me souviens d'un spectacle hommage qu'on avait fait à l'arrache comme ça sur Joséphine Baker. Et on l'a monté en un mois, départ arrêté. Bon, j'avais le stock de costumes. Mais hormis le costume, tu n'avais rien préparé au début. Voilà. Alors, tu as fait ton... Trouver la salle, la production, monter, trouver les danseurs, les machins, tout ça. Moi, j'avais beaucoup de choses à la maison, mais il a fallu tout monter, tout répéter, tout ça. Trouver les chansons. Et pour un soir. OK. Oh. Pour un soir. On l'a vraiment fait le 12 avril le 12 avril 2005, c'est-à-dire juste pour les 30 ans de sa mort. Il a fait ça au Théâtre des Jazets. Et comment ça s'est passé? Ça devait être... C'était formidable, et puis on a fait le plein. Puis vous ne l'avez pas refait après? Ah ben non, c'était une soirée hommage, voilà. Donc ça a été un mois de travail. Et en général, ça prend combien de temps de préparation avant de l'aboutir sur scène? C'est vrai que j'ai l'habitude qu'on travaille vite. Pourquoi? parce que ça donne quelque chose de plus... Voilà, il y a une émulation qui se crée. On peut mettre les choses sur papier des mois à l'avance, ouais. Mais après... On sent que c'est un peu moins... Il y a un moment où, quand on arrive à un mois avant, ouais. Alors là, voilà. Ça a tout changé. Mais un mois avant, généralement, c'est écrit. OK. Mais... Ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas être modifié pendant les répétitions. Hein. Est-ce que ça peut être modifié aussi lorsque tu fais des concerts ailleurs, à l'extérieur? Bien sûr, bien sûr. Il y a bien sûr. Surtout quand c'est du... récital, je fais ce que je veux. Okay. Des récitals avec des dialogues, bien sûr. Oui, je parle beaucoup. Ah oui, moi, tu sais, sur une heure... C'est quoi, c'est moitié de dialogue, sur une heure et demie, sur 1h30, je mets 17 chansons. OK, c'est pas tant que ça. Donc, tu vois, tout ce qui reste ouais. pour... C'est comme une chanson de 3 minutes, c'est un dialogue de 4-5 minutes. Voilà, ou alors il peut y avoir deux chansons collées, puis un grand morceau de blabla. Mais dans les blabla, c'est des sketchs, c'est quoi, c'est des... Je raconte des choses, alors très souvent des choses à... Soit c'est parce que des choses quotidiennes qui me sont arrivées, ou okay. je trouve... Okay, dans la vraie vie à toi. Oui, oui. Okay. Où je trouve des histoires pour des histoires arrivées à Charlène pour amener une chanson. Okay. Parfois, l'histoire est plus longue que la chanson. OK. Oui. Alors, tu prépares le chemin à la chanson. Voilà, exactement. Et comment... Tu as déjà l'idée de la chanson ou c'est ton travail? C'est la chanson qui va me donner l'idée. OK. Je choisis la chanson et à partir de là, je me dis, bon, j'imbrique les chansons. Toujours, ça c'est toujours un truc qui est pénible à faire. Le début, la fin, on est, comme disait Jacqueline Bayon dans une pièce, une bonne entrée, une bonne sortie, entre les deux on se démerde. Ah oui, c'est elle qui dit ça, oui. Dans Féfé de Broadway, elle disait ça. Depuis ce matin dans mon équipage, je cherche en vain quelqu'un que j'ai perdu. Ma présence partout fait grand tapage, car je crie mon chéri, où donc es-tu? Mamselle, pourquoi vous affligez? Que puis-je faire pour vous obliger? Avez-vous vu Hubert et son petit paletot vert? Vous parlez sûrement de votre amant. Avez-vous vu Hubert et sa petite queue en l'air? Il s'agissait certain de votre chien. Avez-vous vu sa bonne petite bille et son train-train arrière qui se tortille? Je n'ai rien vu de tout ça. Oh, vous ne m'intéressez pas, car vous manquez de flair ne pas avoir vu Hubert. Mais voici qu'un monsieur sympathique arrive avec un chien qui n'est pas le mien. Avec celui-ci, ça se complique. En voici un second avec deux chiens. C'est fou, il en vient de partout. Mais voyons, messieurs, que voulez-vous? Venons pour Hubert et nous sommes tous très fiers d'être à ce rendez-vous fixé par vous. Vous venez pour Hubert, j'oubliais qu'avant-hier, je vous avais convié pour le marier. Mais comment célébrer un mariage quand le futur époux est en voyage? Je vous en prie, messieurs, cherchez partout, partout, tâchez d'avoir du flair et de retrouver Hubert. Hubert! Tout à coup j'entends comme une plainte, mais c'est la voix d'Hubert, y a pas d'erreur. Où est-il, messieurs? Je meurs de crainte. Nous envoyons partout les éclaireurs. Ça y est, mon Dieu, quelle émotion! Je l'avais laissé dans mon manchon. Oh, il est là, mon Nunu, mon bébé. T'es dans le manchon de sa mère. Hubert. J'ai retrouvé Hubert et son petit paletot vert. Alors qui voulez-vous qu'il soit l'époux? Vous m'offrez pour Hubert des bulldogs, des cockers. Mon pauvre petit trésor, on veut ta mort. Je crois bien que j'ai trouvé son affaire. Alors, monsieur, mais que comptez-vous faire? Je vous propose la main, ma chienne, pour votre chien. Faut d'abord savoir, mon cher, ce qu'en pense Hubert. calèche avec votre petite chienne qui vous lèche. Je m'appelle Hubert aussi. Puisqu'il en est ainsi, vous et mon chien, c'est clair, vous serez mes deux Hubert. Mais il faut, si tu veux, imbriquer l'agencement des chansons est quelque chose de très chiant. Parce que moi je mets ça sur papier, et là je me vautre dans mon fauteuil, et je dis bon, maintenant je lis, je suis spectateur à partir de quand je m'emmerde. Okay. Et je regarde, et là je me dis, ah, ça marche pas. Les langages, t'essaies de trouver des langages. Et donc je réimbrique jusqu'à ce que ça marche, et puis il faut pas avoir peur de couper. Alors moi j'ai jamais eu peur de couper, si c'est trop long, si ça marche pas, si... ça je... pour changer, pour couper, pour plus rien rajouter. Ça m'est arrivé de couper, notamment sur une chanson qui marche pas, par exemple. Un spectacle, c'est quoi, 90 minutes? Ouais. Ok, maximum, ouais. 90 minutes. J'ai fait une fois plus long en récital parce que c'était dans un gros théâtre, c'était au Trianon, j'avais trois musiciens. Ah oui, c'est très belle, ça, il y avait un entracte, etc. Okay. Donc là, j'ai dit, on va mettre le paquet. Effectivement, on a fait un spectacle qui était 1h50, presque 2h. En général, tu fais des grandes salles? Pas grandes comme ça, c'est assez rare. Okay. C'est assez rare. C'est 300-400 personnes? Oui, en général, c'est entre 200 et 300. Est-ce que c'est difficile de trouver des salles? On sait que c'était de moins en moins. Ce qui est ennuyeux à Paris, c'est qu'il n'y a quasiment plus personne qui produit. Donc ça veut dire qu'il faut louer, c'est de la location. Okay. Donc souvent c'est très très cher. Après il y a quelques théâtres, mais très très peu, qui font de la co-réalisation, c'est-à-dire qu'on est à la recette et on partage la recette selon des pourcentages définis au départ. Okay. Mais ça c'est très très rare. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué. En général, combien tu fais de spectacles lorsque tu as un projet? Oh, ça peut être un, ça peut être deux, ça peut être trois. Selon après, si je suis engagé sur, comme c'est les comédies musicales, là, on a fait 10 soirs d'un coup. C'est pas beaucoup. Non, c'est jamais beaucoup. Mais moi, je trouve ça amusant parce que, en ce qui me concerne, c'est que le personnage se fait désirer. Okay. Moi j'adore quand on me dit toujours ah oui mais on vous voit pas assez. Justement. C'est de là l'intérêt. C'est comme à l'ancienne, le foie gras c'était à Noël et à l'anniversaire. Oui, c'est ça. Hein, c'est tout. Plus c'est distillé, meilleur c'est. Voilà. Mais arrive-tu à en vivre facilement ou si c'est compliqué? Moi j'ai été intermittent du spectacle pendant 15 ans. Et depuis 10 ans, j'ai un travail en parallèle, effectivement. Ok. Alors ça aide un peu, là. Ah ben, ça aide beaucoup. Est-ce que c'est d'un... Mais j'ai la chance d'avoir un directeur général qui est très compréhensif. Okay. Et qui m'a dit, mais voilà, moi ça m'intéresse de te garder. Mais quand tu as des spectacles intéressants, tu les fais. Donc je ne fais plus que des spectacles qui m'intéressent. Okay. Je ne fais plus de choses obligées pour gagner ma vie. Mais le travail à côté, ça n'a rien à voir avec le côté artistique? Non, absolument pas. Mais tu te sens autant à l'aise de faire ce travail-là? Oui, parce que ça rejoint ma formation initiale, qui était une formation hôtelière. Ok, ah oui! Et donc, c'est tout à fait dans ce domaine-là. Et donc, voilà, mais c'est vrai que ça... C'est ce qui permet aussi certains délires de plumes et certains costumes et tout. Okay. Voilà, parce que sinon, ce ne serait pas possible. Arrives-tu dans tes frais à chaque fois que tu fais un spectacle? Non, en général, non. Ok, tu fais pas un sou. Et c'est très rare. Sauf quand ça va en province. En province, évidemment, il n'y a pas de mise de fond, donc c'est toujours... Alors, tu sais qu'à chaque fois que tu vas créer, tu ne vas pas une scène? Oui, bien sûr. Et tu le fais quand même? Oui. Pourquoi est-ce que... Parce que je trouve intéressant de faire vivre ce personnage et... qu'il y a du public pour. Donc, allons-y. C'est un peu une danseuse. Non, oui, c'est ça. C'est une double danseuse. Mais est-ce que tu... Je l'entretiens. Est-ce que tu restes en forme pour ton personnage? Ah oui. Oui. Mais vraiment, comme je te disais tout à l'heure, c'est pour ça que je reste en forme, que je nage, que je fais du vélo, que je fais des... Alors, abdos, vis... des étirements, des... C'est elle qui te garde en vie? J'irai pas jusque-là, mais c'est elle qui me garde en forme. Plutôt, je me garde en forme pour elle. Pour elle, oui, c'est ça, voilà. C'est... Mais sans elle, est-ce que tu pourrais quand même fonctionner? Il y a un moment, il faudra bien, parce que ça ne va pas durer éternellement. Pourquoi? Bah, il y a un moment, j'aurai plus l'âge. Ok, c'est toi. Tant que physiquement, ça va. Oui, mais elle est très vieille, mais elle a l'air jeune. Elle fait beaucoup moins que son âge. Oui. Mais tant que ça reste digne sur scène, et que la mémoire est là et que la vivacité est là, j'y vais. Mais j'ai toujours dit aux gens très proches de mon entourage, le jour où la tête ressemble à un vieux vacherin oublié au soleil, surtout, vous me le dites, et j'aimerais bien même que ça s'arrête avant qu'on arrive à ça. Que tu le vois avant les autres. Que ce soit vraiment digne, tu vois, d'espèce de faire un peu un parcours sans faute. J'ai une question qui a hâte de voir où ça va nous amener. Si tu étais un liquide. Champagne. Oui, pour le côté festif. Parce que j'ai toujours adoré les bulles. Depuis tout petit, les trucs à bulles, j'adore ça. Mais que ce soit les sodas les plus infâmes, le Coca-Cola, et quand même le champagne. Et un bon champagne, c'est très bon. Un bon, c'est quoi, Veuve Clicquot ? Veuve Clicquot, il y en a des très bien dans les millésimés. Le comte de champagne rosé de Tétinger est très très bien. Chez Bollinger, il y a des choses merveilleuses. Trop. Oui, mais ça c'est un peu mon point commun avec elle, c'est que avec ton personnage, j'ai une vie un peu parfois au-dessus de mes moyens. Mais j'aime les jolies choses, j'aime le luxe, oui. Ça je l'ai transféré sur elle. Hein. Oui, mais quand on la voit arriver, quand tu vois les photos, ça témoigne de son trop. Elle est dans le trop. Oui, moi j'essaye de ne pas être dans le trop, mais parfois je me freine. Si tu étais une ville, vous avez des champagne ? J'aurais tendance à dire Paris, parce que j'aime tellement cette ville, même depuis des années. Moi, je suis. S'il faut choisir un arrondissement, je ne sais pas. Moi, je suis dans le 17e. Okay. Mais j'ai toujours tendance à me considérer comme un touriste quand je regarde Paris. Ah, moi aussi. Ben, moi, j'en suis un, là. Mais je viens ici chaque année, puis j'aime me prendre des rues que je ne connais pas. Mais quand tu te perds derrière Montmartre, là-bas, où tu as des rues qui font 1,50 m de large, j'aime cette ville, bien que ce soit très cher, que les gens soient pénibles, que les transports soient serrés, enfin, tout ce qu'on trouve dans les grandes villes, de toute façon. Voilà, j'aime beaucoup, je suis un citadin de toute façon, j'aime beaucoup les métropoles, et voilà, mais j'aime beaucoup Rome, j'aime beaucoup Madrid, j'aime beaucoup New York. Tu vas souvent à Madrid ? Non, pas très souvent. Okay. Voilà, Saint-Pétersbourg est une ville où j'aimerais retourner parce que c'est magnifique, mais quand je reviens à Paris, je suis très content. Ah oui, parce que c'est un peu ta mère. C'est Montréal. Montréal est une ville qui m'a... Bon, je l'ai connue en hiver. Et je pense qu'ils ont voulu me tuer parce qu'un jour, on a eu moins 40. Montréal, ça devait être en 2000... Moi, je dirais 2002, 2003. Tu venais en voyage ou... Oui, oui. Okay. Si tu étais une langue... L'espagnol. Ah oui, pourquoi ? J'adore. J'adore l'espagnol. Je chante en espagnol, je le parle. Moi-même, j'ai des origines espagnoles. D'Alicante, lointaine, mais mon arrière-grand-mère, son nom de jeune fille, c'était Alcaraz. Et je crois que c'est pour ça que j'ai donné des origines espagnoles à Charlène. Oui, c'est ça, c'est pour le côté. Oui, les racines qui s'entrecroisent. Si tu étais une époque. C'est difficile parce que si j'étais une époque, je serais fatalement quelqu'un avec un peu de moyens. Et je crois que malgré le côté extrêmement conservateur, les années 50 me plaisent bien. Et les années 20 aussi. Il y a une espèce de perdition dans les années 20. En Allemagne, moi, Paris. Et les années 50 à New York, ça peut être sympa aussi. Si tu étais un mot. Moi, j'aurais tendance à dire humanité, mais pas l'humanité qui est composée par nous, l'humanité qu'on peut donner. L'humanisme, d'accord. Okay. Vraiment, on en manque cruellement. Ah oui, ça c'est vrai. Si tu étais un aliment. Je suis très gourmand. Et si j'étais un aliment. Ça paraît bon, tu peux ? Ça paraît bon ? Non, mais. c'est si j'étais un aliment. Non, enfin, j'ai la fraise. Oh, ben c'est pas calorifique. Non, et j'ai une passion pour le rouge. Oh, okay. Heureusement que ma costumière met le haut là, sinon Charlène serait habillée tout en rouge. Ok. Si tu étais une saison. L'été. L'été. À cause de la lumière. Ah oui, mais là, aujourd'hui. Oui, non, mais alors aujourd'hui, c'est, ils ont éteint. Le rouge, oui, mais sauf dans le compte de banque. Dans le. Le compte de banque. Le compte ah oui, ouais, ben ça, mais ben ouais. Ça, pourtant, je connais. Je connais. Le gris-gris d'amour. Légende hawaïenne pour enfants. C'était une grande hawaïenne. C'était un petit hawaïen. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Elle avait jamais eu de veine. Il en avait plein la main. Ah, ah, ah, ah, ah. Quand un jour il dit j'aime trop de notre coco, donne-moi son deux petits boulons s'il faut. Je veux bien qu'elle répondit, mais donne-moi ton petit topa hurrara. Jolie cacahuète, tili bistouquette, topa hurrara. Jolie cacahuète, redis dada. Alors il le lui montra. Épaté, elle lui demanda, monsieur en kepoxetti. C'est qui dit en pot de zébi. C'est joli, dit-elle coquette, on dirait deux amulettes. Y'a pas d'erreur, c'est le meilleur des porte-bonheur. En fait, gris-gris, y'a pas, je te le dis, de plus joli que mon petit. Topahu, rararu, les jolies petites amulettes. Topahu, rararu, comme ça j'en ai jamais vu. Est-il la grande hawaïenne qu'aime le petit hawaïen. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Pense à ce qu'il a de la veine. D'avoir de la veine plein la main. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Mais un soir que le négro faisait dodo, pour se veiller, elle aussi un gris-gris, sans y mettre plus de façon, elle lui coupe un son. Topahu, rarara, jolie cacahuète, titi bistouquette, topahu, rarara, jolie cacahuète, rodi bédada. Et quand il se réveilla, il lui dit d'une voix comme ça, chacré bouni de bougna, t'as fait de moi un auvergnat. Mais non, qu'elle lui dit coquette, j'ai pris tes deux amulettes, y'a pas d'erreur comme porte-bonheur, y'a pas meilleur, alors j'ai mis sur mon nombril comme gris-gris ton joli petit. Topahu, rararu, des jolies petites amulettes. Topahu, rararu, comme ça j'en ai jamais vu. Topahu, rararu, les jolies petites amulettes. Topahu, rararu, comme ça j'en ai jamais vu. Topahu, rararu, les jolies petites amulettes. Topahu, rararu, comme ça j'en ai jamais vu. Topahu, rararu, les jolies petites amulettes. Topahu, rararu, comme ça j'en ai jamais vu. Topahu. Je ne peux pas faire un pas quand je sors de chez moi. On ne suit pas à pas, je ne sais pas pourquoi. À mon oreille, j'entends des tas de propos galants. Les hommes me disent bonjour et parlent d'amour. Je suis une blondinette, je suis très coquette et dans tout Paris. On dit gentille blondinette, votre nez en trompette comme il est gentil. Mais oui. On dit, quelle jolie silhouette, vraiment sa toilette, c'est le dernier cri. Paris. Mais avec mon petit chien, je continue mon chemin. On me suit, et je fais des dégâts. Quand mes lévriers courent tout l'après-midi, dès que je vais jouer, mon chien est favori. Derrière moi le badaud pense que c'est un tuyau et tous mettent des gros sous sur mon toutou. Je suis une blondinette, je ne suis pas prophète, mais le jour du Grand Prix on suit. C'est fou parce que les gens sont bêtes, j'ai pas d'amulette mais comme un gris-gris on suit. On me dit et l'on me répète d'une voix discrète, pour moi jouer 5 louis Paris. Mes tickets à la main, je continue mon chemin. On me suit et je rapporte rien. Mais rien, les jeunes gens, dit-on, ne sont pas très sérieux. Et les plus cochons, ah vraiment c'est les vieux. Ils veulent tous m'entretenir, tu penses qu'ils peuvent courir. Moi ça me fait rigoler de les essouffler. Je suis une blondine, je suis très coquette dans tout Paris. On me suit, on me dit, monsieur Blondinette, venez en trompette comme il est gentil. Mais oui, et là-bas, monsieur le sergent de ville, regardez la file de ces imbéciles. On me suit, ils me promettent des châteaux, des perles et des autos, et puis ils vous donnent la peau. Mademoiselle, je cherche partout une chaîne, voyez-vous, je suis heureux comme tout. C'est fou, vraiment, il est merveilleux, ils ont les mêmes yeux, même poils et même queue, tous deux. Sa femme, j'en suis sûr, une progéniture qui aura de l'allure. C'est sûr, avec votre chienne, je veux bien. Ma chienne, mais c'est un chien. Alors, il y aura pas moyen. Très bien, bien. Chapeau! Chapeau! Chapeau! Est-ce que pour toi, c'est l'argent est quelque chose de difficile à gérer? Oui, bien sûr. Parce que tu es dans l'extravagance. C'est, ça ne m'intéresse pas. Tu en as, tu la dépenses, tu en as pas. T'en l'argent, pas. L'argent est fait pour être dépensé. Et tu penses pas à tes vieux jours? J'ai la chance d'avoir pu acheter un appartement à Paris d'une façon extrêmement, comment dirais-je, d'avoir fait une très bonne affaire. Okay. Ah, voilà. Donc, s'il faut, il y a ça. Ah, c'est super. Donc, c'est quand même une assurance. Exactement. Si tu étais un membre corporel? C'est indiscret. Non, mais nous sommes diffusés à minuit. Je dirais, chez l'homme comme chez la femme, moi j'adorerais être une jambe. La jambe, je trouve que c'est... quand elles sont belles, elles sont magnifiques. Oh, la jambe... Alors, une jambe d'homme. Ok, qui? Une jambe d'homme, plutôt grand. Non, parce que moi, j'ai des grosses attaches. Okay. Donc, avec des attaches plus fines. Non, une belle jambe terminée par un joli pied, je trouve ça très beau. Alors, c'est un athlète. Voilà, il y a des statues, effectivement. On peut voir à Rome ou à Athènes, des statues comme ça. Si tu étais un moment de la journée. Ça, c'est compliqué parce que je ne suis pas du matin et finalement j'aime bien le matin. Parce que tu dors. Mais le soir, quand même, c'est très compliqué. J'hésite vraiment entre le matin et le soir. Mais d'une façon tout à fait réaliste, j'aurais tendance à dire le matin. Parce que voir le soleil se lever. Avoir du temps à ce moment-là, c'est prendre un café, un bon café, regarder. C'est voilà, de regarder surtout, c'est quelque chose qui arrive à m'émouvoir beaucoup. Ça joue beaucoup sur mon sur mon intellect. Est-ce que tu sors souvent le soir? Es-tu un type qui... Moins avec l'âge, mais il y a beaucoup de fiestas chez les amis, de dîners, de choses comme ça, de sorties au théâtre et tout. Et moi, j'adore dormir. Alors, j'ai une volupté dans le sommeil. Je crois que si je suis en forme aussi, c'est à cause de ça. Je dors beaucoup. Alors, tu sors de moins en moins. Donc, j'essaye de me conserver quand même mes 8 heures. Mais cette semaine, j'ai tiré sur la corde. Je suis trop sorti. Okay. Et t'es un gars festif? J'aime bien, mais j'aime pas les grosses fiestas. J'ai peur de ça. Ce qui me fait refuser des anniversaires parfois où il y a 40-50 personnes. Okay. Parce que je vais pas me sentir bien. Surtout que ça finit à 3-4 heures du matin. Mais ça, c'est pas très grave. Moi, je peux finir une beuverie à 6 ou 10 personnes à 3 heures du matin, je m'en fous. Mais des grosses sauteries pour des choses obligées, Ah non, là tu sens c'est, moins. Tu vois, mais je peux rester un 31 décembre à tremper des gâteaux secs dans un bol de chocolat hein, okay. En regardant une vidéo. Hein, alors, je n'en souffre pas. Si tu étais un autre individu. Si j'étais un autre individu. Vivant ou mort ? Wow, c'est compliqué. Parce que je suis assez admiratif des gens qui font, qui arrivent à faire le bien autour d'eux, mais j'ai pas envie d'être Gandhi. Non, mais c'est vrai. Tu vois, et j'aime bien les personnages un peu musclés aussi, tu vois, c'est... Malheureusement, il y en a qui ont des fins pas très heureuses. Ouais, si j'étais... Si... Un personnage qui a une utilité aussi, qui... Ouh là là, c'est une question difficile. Bah, tu peux balancer 3-4 noms, 2-3... Qui j'aurais pu aimer être quelqu'un qui soit gentil, qui soit humain, et qui ait fait des choses. Je crois que j'aurais pu aimer être Albert Villemets. Donc, tu vois qui c'est ? Oui. Bah, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment vécu de façon assez facile. Il fallait que la vie glisse comme sur une toile cirée, tu vois. Et il avait vraiment dans sa vie le leitmotiv d'une des chansons les plus célèbres qu'il a écrites, « Dans la vie, il ne faut pas s'en faire ». Et c'est quelqu'un qui a vécu d'une façon très confortable, dans un milieu champanisé, intellectuel, brillant, qui a écrit des tas de choses merveilleuses qui font encore le bonheur de certaines personnes, et le mien. Et c'est... voilà, c'est quelqu'un qui a vécu à travers la fantaisie. Ça faisait pas avec les... Voilà, et qui a vécu à travers la fantaisie, en générant de la fantaisie toute sa vie. Et ça, c'est. Il était dans la ludicité. Ouais, absolument. À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin ? Si j'en avais les facultés, oui. Les facultés ? Enfin, les facultés, le talent. Ok. Tu veux dire le mien, mon chemin ? Oui. Je crois que oui. Ça, je me suis déjà posé la question. Les choses rigolotes étant que je pense que je suis quelqu'un qui n'avait rien de. Qui n'avait pas de prédisposition pour faire ce que je fais. Tu n'étais pas prédestiné. Et peut-être qu'il y avait quelque chose de prédestiné, mais tout. La base faisait que non, c'était pas fait pour ça. Je ne suis pas un bon danseur, je ne suis pas un excellent chanteur, je ne suis pas une grande beauté, je suis un garçon. Et finalement. Donc, tout ça, je me suis dit, il a fallu vouloir le faire, et inconsciemment, j'ai vraiment voulu. Donc voilà, et je me perçois en entendant des jeunes encore aujourd'hui qui racontent leur enfance que finalement, mon enfance, bien qu'étant dans une famille qui n'était pas riche, a été Disneyland par rapport à ce que certains vivent, que mes parents ne m'ont jamais ennuyé avec quoi que ce soit. Et les chemins aussi improbables qu'ils aient été. C'était amusant et il y a eu des très belles rencontres et donc non, je pourrais recommencer la même chose. Peut-être avec un tempérament un peu moins dépressif. Ah oui, tu as pris de l'esprit. Voilà. Pourquoi t'es angoissé? Je suis angoissé facilement et puis je trouve pas la vie très belle en fait. Je crois que c'est pour ça que j'aime ce que je fais aussi. Parce que tu peux t'oublier et tu peux le faire oublier. Parce que d'un seul coup, ça va dans un monde autre. C'est pour ça, mais c'est ce personnage et tu vois, que tu as d'avis. Oui, c'est une espèce de béquille, si tu veux. Oui, mais je peux, dans des périodes de détresse, rester chez moi tout seul et regarder le bal des sirènes avec Esther Williams, tu vois, parce que d'un seul coup, je vais me dire, voilà, là, je suis dans un monde qui n'existe pas. Tout est rose, tout est bleu sous l'eau et ça danse, ça chante. Et voilà. C'est... Oui, je j'aime pas beaucoup. Tu vois, moi, j'ai pas demandé à naître et on m'a posé là et c'était un peu des mères de toi, même si mes parents nous ont tout à fait bien élevés. Mais il y a un peu ce côté, j'ai pas demandé à y être et parfois je me dis bien, c'est quand que ça se finit quoi. Bon, c'est bref ces passages-là. Hein, tu sais, c'est. Ah, tu étais un suicidaire. J'y ai pensé plusieurs fois, mais je n'ai pas le courage de le faire. Et mais c'est une chose qui est un petit peu fréquente dans les gens qui font du divertissement. en vieillissant, est-ce que tu trouves ça plus difficile? Non, parce que je me suis assagi, j'ai grandi intérieurement, tu vois, j'essaye, on se pose des questions, etc., le pourquoi du comment de la chose, discuter avec des gens aussi qui t'ouvrent à d'autres choses, et d'un seul coup, tu te dis que bon, voilà, c'est, tu vois, c'est un peu la tendance à voir le verre à moitié vide, plutôt qu'avoir cette tendance à voir à moitié plein. Et ça m'arrive de le voir à moitié plein, mais j'aimerais bien le voir plus souvent à moitié plein. Oui. J'ai qu'à moins boire, d'accord. Est-ce que c'est les coups durs qui t'ont amené à ça, à ce côté un peu noir, la vie, les coups durs de la vie? Non, je pense que c'est... je pense que ça doit être ancré en moi. Okay. Je pense que c'est ancré en moi, parce qu'il n'y a pas eu de... Je ne peux pas dire que j'ai connu des vrais coups durs. J'ai connu des périodes difficiles, tu vois, mais étant quelqu'un d'extrêmement entier, il y a eu quelques ruptures que j'ai très mal vécues, et là c'était la Dame aux Camélias, hein, si tu veux, parce que je suis une vraie drama queen, hein, ça, alors là, dans la vie, c'est terrible. Et comme coup de divorce. Hein. Oui, mais j'ai une tendance à exagérer tout, même dans mon quotidien. Okay, dans ta vie privée. C'est pas de la mythomanie, mais comme je trouve la vie petite. On t'essaye de voir ça grandir. Voilà. C'est comme ces gens qui vont te raconter une histoire qui leur est arrivée. Ouais, c'est pour ça. Le premier à qui vont le raconter un quart d'heure après que ce soit arrivé, c'est une version. Et celui du soir, là, sur le coup, ça va être un péplum, tu vois. Apprenez-moi vite comment je pourrais lui plaire instantanément. Pour que je le séduise, qu'est-ce qu'il faut que je dise? Écoute-moi bien, voici le bon moyen. Tu lui diras, mon chéri. Oui, je te possède jusqu'au trognon. Non, il faut aller plus doucement, plus posément. Un amant ne se prend pas si rapidement. Tu lui diras, vous êtes gentil. Oui, je ne te demanderai pas de pognon. Non, mais c'est très important qu'il comprenne pourtant que je ne veux pas d'argent. Dis-lui, mon loup, tu verras. C'est vous tous ce qu'on fera. Je te donnerai ma rose. Parce que vous en savez des choses. Puis ajoute, viens cette nuit. Oui. Dans les bois, nous nous retrouverons. Non, j'aime bien mieux le retrouver dans mon dodo. Oh, et monsieur Rodolphe, vos propos sous-jacents, là. Ça jasse, hein, quand même. Ça jasse même énormément. Pas folle. Donne-lui ta photographie. Oui, celle où je suis sans pantalon. Non, si tu montres d'un seul coup tous tes dessous, entre nous, tu ne l'intrigueras plus du tout. Fais au contraire des petits trucs. Oui, je lui ferai des tas de trucs cochons. Non, 60 000 grafouilles, 18 000 papouilles. Il va me prendre pour une andouille. On voit tout ce que tu feras. Sous son cou, tu glisseras. De ton joli petit bras rose. Parce que vous en savez des choses. Tu le prendras, t'as compris. Oui, par son petit péché mignon. Non, j'aurais peur que ce machin me reste dans la main. Smile away. crowded rooms in Chelsea. She wasn't what you'd call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what comes of too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me and said, what good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. As for me, I made my mind up back in Chelsea. When I go, I'm going like Elsie. Stop by admitting from cradle to tomb. Isn't that long a stay? Life is a cabaret, old chum. Only a cabaret, old chum. And I love a Rénaldienne sur CKRL-MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagnon. I know what you're thinking. You wonder why I chose her out of all the ladies in the world. That's just the first impression. What good's the first impression if you knew her like I do? It would change your point of view. If you could see her through my eyes, you wouldn't wonder at all. If you could see her through my eyes, I guarantee you would fall like I did when we're in public together. I hear society moan. If they could see her through my eyes, maybe they'd leave us alone. How can I speak of her virtues? I don't know where to begin. She's clever, she's sweet, she reads music. She doesn't smoke or drink gin like I do. Yet when we're walking together, they sneer if I'm holding her hand. If they could see her through my eyes, maybe they'd all understand. I understand your objection. I grant you my problem's not small. But if you could see her through my eyes, she isn't a miskite at all. Entre-temps, ça se sera enrichi. Exactement, tu vois. Mais il n'y aura pas de mensonge. Mais c'est la façon de dire les choses. Tu vois la garnir. Tu vois garnir la réalité. Parce que c'est trop plat. Il faut bien rajouter. Il faut créer la féerie. C'est ça. Oui. Est-ce que c'est un mot oublié, j'aime beaucoup, la féerie. Féerie, oui. Ben, c'est comme Fellini. Du Fellini à Fellini, c'est ça, c'est la féerie. C'est énorme. Oui, c'est incroyable. Oui. Est-ce que tu... Denis D'Arcangelo est quelqu'un de très félinien. Oui. As-tu des projets à venir? Est-ce que ton personnage va évoluer? Est-ce qu'il y a des spectacles? Alors, il y a des spectacles à venir parce que on reprend donc les deux comédies. On reprend la comédie musicale Yes, là, je suis ravi parce qu'on a trop peu joué à Paris quand même. Alors à Paris, pour l'instant, c'est un soir et ensuite c'est en province. Et c'est bien, je trouve, d'aller porter ça en province. Et c'est toujours très amusant, tu vois, parce que ce type de comédie musicale, moi je suis engagé, Charlène Duval est engagée comme rôle féminin. C'est-à-dire que tu as quand même moi, Charlène Duval, et le rôle féminin. C'est comme disait un metteur en scène avec lequel j'ai discuté hier soir, il y a un tampon au milieu. Oui, oui, mais il y a deux cachets, on dirait qu'il y a même deux cachets. Non, non, alors non. Non. Et pas double cachet. Okay. Et le public ne se pose pas de questions. Ouais. C'est au début, quand il voit le personnage, il dit. Alors il y en a qui hésitent. Hein. Et parce que c'est tellement incongru, oui. mais c'est voilà. Surréaliste, c'est ça aussi. Là. Voilà, mais l'idée dans Yes de jouer la nymphomane milliardaire chilienne, j'adore, si tu veux. C'est, le personnage flamboyant de Yes, qui n'est pas là beaucoup, mais quand il est là, on le voit. As-tu d'autres visions, d'autres visées pour ton personnage? Non, parce que je ne suis jamais quelqu'un qui voit vraiment dans le long terme. Okay. Tu vas faire des reprises. Donc là, pour l'instant, c'est les reprises. Il y a en décembre, on a monté trois spectacles avec une amie qui a une compagnie, et chorégraphe, chanteuse, danseuse, actrice. Qui s'appelle Caroline Ruelens, qui est une fille formidable, que je connais depuis très longtemps, depuis le piano zing aussi. Et elle a créé un spectacle qui s'appelait Youpi, c'est mercredi. C'était n'importe quoi. Et ça chantait, hein, c'est un spectacle de chansons, un truc un peu cabaret burlesque, vaudeville, ce que tu veux. Et avec une troupe de cinglés, dont Denis D'Arcangelo d'ailleurs. Devant le succès, on a créé, un mois ou un mois et demi après, Youpi c'est reparti, deuxième époque. Et pour Noël, on a créé Youpi c'est d'un farci. Ah c'est bon. Où on ouvrait sur une crèche vivante. J'étais Marie. Est-ce que Denis sera là? Oui, bien sûr. Donc là, j'étais quand même Marie, et c'était la première fois que je jouais la Vierge dans la famille. Et après ma mère qui avait joué la Vierge à 15 ans, ma nièce, enfin, c'était moi. As-tu travaillé souvent avec Denis? Oui, on avait même fait un spectacle tous les deux, qui s'appelait « Alors qu'est-ce qu'on fait ?» du titre d'une chanson qui ouvrait le spectacle, qui s'appelait « Alors qu'est-ce qu'on fait ?» Et là, c'était un spectacle de 2 heures avec 3 musiciens. Ok. Et qu'on a joué 5-6 fois. Ah ben nous deux. Okay. Ça c'était nous deux. Okay. Et sur Youpi, on est, selon les castings, on est une dizaine. Et donc là en décembre, normalement, c'est en train de se signer, donc j'en parle. C'est pas dans la période des fêtes ? Absolument, on va jouer tous les lundis de décembre. Ah c'est bon. Et donc normalement on joue, je touche du bois, de la nouvelle, on joue normalement à la Nouvelle Ève. Okay. Qui est une salle merveilleuse. Ouais. Et on avait même... Combien de musiciens, toujours Ça, c'est deux. Okay. De piano, batterie. Et on avait la chance d'avoir sur les deux... Donc, on en a fait trois. Et sur les deux derniers, on avait la chance d'avoir avec nous Nicole Croisille. Ah oui. Est-ce qu'elle est là en décembre aussi? Normalement, elle devrait. C'est encore en discussion, parce que comme elle joue une pièce à ce moment-là et tout, c'est encore en discussion. Mais si tu veux, nous, être avec Nicole Croisille, oui, et partager les loges, la table de maquillage et tout, c'est formidable. Et, elle adore ça, ce genre de... Mais comme elle le dit elle-même, j'ai 80 ans. J'ai plus rien à prouver. Je fais ce qui, je fais ce qui m'amuse. Oui, j'ai rien à perdre. Elle me dit, j'adore travailler avec vous. Et donc, voilà, on s'amuse comme des petits fous. C'est gentil, de son côté, de se lancer dans un projet aussi. On s'amuse comme des petits fous. Bah, attends, fais voir, peut-être j'ai... ça passe pas bien en radio, mais pour toi, j'ai l'image. C'était quand, en décembre. Que je te dise pas de bêtises. Parce que mon frère, en plus, est fan de Nicole Croisille. Ah oui, oh. Donc j'avais dit, bon, je te promets, je te fais une photo avec Nicole Croisille. D'accord. Mais quelle voix, cette dame-là, hein? Ah ben ça. Oh. Et encore, maintenant. Oh, oui, je l'ai entendu récemment, il y a 2 ans. Ah, elle est insensée. Bah, quand c'est qu'on a joué ça? C'était bien au mois de... Je suis pas cinglé. Décembre. Non, mais écoute, j'arrive plus à lui. Ah, bah, c'est dramatique. C'est dramatique. Il n'y a pas de problème. Mais je l'ai. Oui, mais c'est dans le répertoire de ce téléphone. Donc, ma foi. C'est bien dommage. Regarde juste là quand même. Et tu feras 4 spectacles en décembre? Alors, en décembre, ça va s'appeler Youpi, je sais pas quoi. Ok, la suite, oui. Et ça va être encore du grand n'importe quoi. J'espère qu'on remettra pour la représentation du 25, qu'on va remettre la crèche vivante. Est-ce que il y a beaucoup d'improvisation dans ce... Ah non. Okay. Ah là non. Okay. Ah, tout est écrit. Allez-vous piger de l'ancien matériel pour placer cela? Il y a de l'ancien matériel. Parce qu'il y a des classiques. Il y a de l'ancien matériel. C'est vraiment tellement n'importe quoi. Vous allez vous réunir quand pour travailler dessus? C'est Caroline qui écrit beaucoup. Hein, okay. C'est Caroline Rolands qui écrit beaucoup, qui nous soumet après. On est d'accord, on n'est pas d'accord, okay, etc. Et voilà. Et ça fait c'est hyper divertissant. C'est combien de jours de pratique? En répétition, en général, c'est très peu. Hein, okay. Si on a une semaine, c'est... C'est beaucoup. Mais parce qu'on est tous des vieux routiers. Non, oui, c'est ça. Vous connaissez le rouage. Et puis les projets, c'est jusqu'en décembre. Après, En janvier, on reprend la revue Paris Chéri. Donc il va y avoir 2 représentations à Paris et ensuite en province. Donc c'est super bien, quoi. Alors, il te reste encore beaucoup de choses à venir. Oui, personnage a encore plein de choses à vivre et à raconter. Bien sûr. Et que les chansons ont pigé un peu partout. Oui, au mois de le 2 octobre, normalement, je dois présenter Les Voix contre le Sida, qui est la seule œuvre caritative que j'ai gardée, qui se fait au Théâtre du Gymnase à Paris, où ce sont les 3 plus grosses chorales gays qui se réunissent pour récupérer des fonds pour la lutte contre le sida, qui sont reversés à des associations. Et je l'ai gardé parce que je sais que sur cette soirée-là, il y a grosso modo 80 ou 90% du chiffre d'affaires de la recette qui est reversée. Il n'y a quasiment pas de frais, voilà, okay, et on peut dire en fin de soirée, voilà, il y a tant qui a été gagné. C'est vrai. Okay. Et donc, moi, voilà, il n'y a pas de truanderie. Non. Et donc, ça fait des années que j'anime ça. Tant mieux. Alors, tu fais quoi? Tu fais l'animateur? Voilà, je bouche les trous entre les rideaux. Ah, c'est bien ça. Et tu te sens à l'aise là-dedans? Ah, ben, on discute. Alors là, rien n'est écrit. Ah, voilà. Alors là, rien n'est écrit. Aimes-tu beaucoup l'improvisation? J'essaye de savoir où je vais quand même. Hein. Mais il y a une chose que j'aime bien et que je reprendrai encore cette année, que si j'ai un trou un petit peu long à meubler, parce qu'il y a une fois dans l'oreillette, on me dit, là, il y a un gros changement, il faut que tu t'occupes le terrain. Et donc, je l'ai dit au public, j'ai dit, voilà, on vient de me dire qu'il y avait un gros changement, je n'ai rien de prévu, je vais donc vous raconter ma vie. Et là, je suis parti depuis ma naissance. Et le passage des Pyrénées en 1936, dans la neige avec maman et tout. Et on est arrivé en 39, et là on me dit, c'est bon, tu peux lâcher. Et le public était foudrage. Oui, c'est ça, parce qu'il voulait savoir la suite. Donc, l'année d'après, j'ai dit, hop, alors l'année dernière, je vais t'arrêter en 39, je reprends. Et on m'a dit, non, t'as pas le temps. J'ai dit, bon, madame, non, alors. Non, je vais essayer de caser encore un morceau. Ah oui, que là, on t'oblige de... Oui, parce que c'est une soirée qui est assez longue de par les groupes présents. Ah ouais, je comprends. Et donc le but, et puis c'est pas moi la vedette, quoi. Toi, c'est vraiment de colmater voilà. les gens entre exactement. Et je suis très content d'avoir rencontré. C'était un plaisir. J'ai beaucoup parlé, je suis désolé. Non, mais c'est le but de la manœuvre. Et je suis aussi heureux. Je regarde juste l'heure parce que... Oui. Non, non, non, mais c'est terminé. Et on peut pas prendre de photos. Et avec moi, non. Okay. Enfin, ou alors c'est pour toi tout seul. Ah non, non. Mais, non. Mais ouais, non, il n'y a pas de photos. Il n'y a pas de photos de moi sur le net. OK. Donc, ce que je voulais te dire, c'est que je suis très heureux d'avoir éclairé un peu le personnage et de l'avoir présenté aux auditeurs. Et c'est une histoire à suivre. Et j'espère qu'elle viendra à Québec. Mais j'adorerais. J'adorerais. Il avait été plus ou moins question il y a des années. Avec la revue, ça monte et ça descend d'ailleurs. Okay. Finalement, ça ne s'est pas fait. C'était pendant le festival Juste pour rire. Ah oui, pourquoi pas. Et mais moi j'adorerais parce que voilà parce que vous êtes francophile, francophone. Oui, oui, oui. Et elle a des choses à apporter au Québec aussi. Ah mais oui, je crois. Puis Gilda m'a laissé la place maintenant. Mais on a Mado qui vient souvent ici, Mado Lamotte, oui. qui vient à Paris. Oui, mais Gilda est décédée. Ouais, oui, j'ai su ça. Ok. Mais donc, maintenant, il y a une place. Non, mais Mado Lamotte, ce qui me fait rire du personnage, c'est qu'elle a trouvé un nom pour Madonna. Hein, Madonna, Mado. Oui, oui. Et Lamotte, c'est parce que c'est un homme. Donc, oui, oui. Mado Lamotte. Donc, mais elle, c'est beaucoup plus le burlesque. Oui, absolument. Elle chante pas beaucoup, elle a pas beaucoup de culture. Mais à Paris, elle chante plus. Ouais. Et puis, est-ce que tu aimes ce qu'elle fait? Alors, moi, pour être tout à fait honnête, j'ai nettement préféré, j'aime bien ce qu'elle fait, mais j'ai préféré quand je l'ai vue chez Mado, à Montréal, plutôt qu'à Paris. Ouais. Je l'ai trouvée beaucoup plus vive, beaucoup plus à l'aise, beaucoup ouais, plus... Ouais. Là, je me suis dit, mon Dieu, mais quel entertainer, quoi. Mais ici, c'est parce que peut-être qu'il voulait... Voilà, j'ai trouvé ça... je l'ai trouvé vraiment comme un poisson dans l'eau chez Mado. Voilà. Je sais que le patron de la boîte à frissons ne va pas être très content s'il entend ça, et, parce que c'est lui qui l'engage pour venir à Paris. Mais voilà, je suis désolé, Hervé, si tu entends ça, mais... C'est ça. Écoute, c'est sûr qu'il veut ajuster son spectacle avec la France. Donc peut-être que les termes n'étaient pas... Mais moi, je me suis éclaté. Et puis alors, en plus, il y a énormément de joie. Et alors, je ne comprenais pas tout. Puis le débit de parole. Elle est folle. Oui. Elle quitte le sol et s'envole dans des... C'est une folle furieuse. Je t'embrasse, Mado. Voilà. Merci de passer à mon émission. Merci et beaucoup. Et on se voit en spectacle. Et éventuellement, je viens ici à chaque année. Et si tu fais un spectacle comme moi, tu me fais ça. Et s'il y a quelque chose, je te dis. Très heureux de t'avoir rencontré. C'était un plaisir. Eh bien, parfait. C'est le printemps, on est heureuse. On a le cœur plein de frissons. Et malgré soit très amoureuse, on cherche les yeux d'un beau garçon. On se sent fébrile et nerveuse. Quel est celui qui me pressera contre lui? Un petit homme qui passe, c'est le plaisir qu'il faut s'offrir, qu'il faut cueillir. Un petit homme qui passe, est-ce que c'est celui-là qu'on choisira? Cesse de, un petit homme qui passe. Mon Dieu, j'ai peur de dire qu'à cette heure je joue tout mon bonheur. Je ne sais plus ce qu'il faut que je fasse. Et tout cela parce qu'un homme a passé par là. Pardon, que faites-vous, mademoiselle? Monsieur, passez votre chemin. Je n'aime pas qu'on m'interpelle. Et puis d'abord, je ne vous connais point. Mais quand l'occasion est si belle, c'est insensé, mademoiselle, de la laisser passer. Une femme qui passe, c'est le plaisir qu'il faut s'offrir, la fleur qu'il faut cueillir. Une femme qui passe, si c'est une grande passion, faites attention. Une femme qui passe, petit béga, amour sans femme, à poil on n'en sait rien. Toute une vie s'embellit ou se casse. Et tout cela parce qu'une femme a passé par là. Une femme qui passe. passe. C'est le plaisir qu'il faut se dire, qu'il faut cueillir. Une femme qui passe, si c'est une grande passion, faites attention. Une femme qui passe, petit vegan ou sans femme, à femme, on n'en sait rien. Toute une vie sans délire se casse. Et tout cela parce qu'une femme a passé par là. C'est toutes les nuits de Paris. Une femme qui passe, un parfum dans l'espace, à mille cris, nuages de poudre de riz. Moi, joli, c'est toutes les nuits de Paris. Ah, oh, j'adore ça. Chef, à 98. 1, 2, 3, 4. Mille gris, nuages de poudre de riz. Minois joli, c'est toutes les nuits de Paris. Oh. Chers amis, si... Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.